Mais Sylvinet surprend un dimanche son frère qui se plaint à une jeune fille, dont Sylvinet ne reconnut pas la voix, de ne plus aller danser avec elle, qui ne voudrait danser avec personne d'autre, et l'invite par contre à aller lui danser avec d'autres. « Ça me fera plaisir de songer que tu t'amuses, et je t'attendrai plus patiemment, » dit-elle. Cette découverte-là fut comme un coup de couteau dans le cœur de Sylvinet. Il ne cherche point à découvrir quelle était la fille que Landry aimait si passionnément. Il en avait bien assez de savoir qu'il y avait une personne pour laquelle Landry le délaissait et qui avait toutes ses pensées, au point qu'il les cachait à son Besson et que celui-ci n'en recevait point la confidence. « Je ne lui dirai rien. Il m'en voudrait d'avoir surpris ce qu'il n'a pas voulu me confier. Je souffrirai tout seul pendant qu'il se réjouira d'être débarrassé de moi. » Sylvinet fit comme il le promettait, et même il le poussa plus loin qu'il n'était besoin, car non seulement il ne chercha plus à retenir son frère auprès de lui, mais encore, pour ne le point gêner, il quittait le premier la maison et allait rêvasser tout seul dans son verger. Et peu à peu, son ancien chagrin, dont il s'était quasiment guéri, lui revint si lourd et si obstiné qu'on ne tarda pas à le voir sur sa figure. Sa mère l'a repris doucement, mais comme il avait honte à 18 ans d'avoir les mêmes faiblesses d'esprit qu'il avait eues à 15, il n'oublie jamais confesser ce qu'il rongeait. Et Sylvinet marcha dans la route que le bon Dieu lui avait ouverte, sans y rencontrer de quoi le faire verser à droite ou à gauche, il traîna son petit mal, sans être trop abattu, jusqu'au moment où les amours de Landry firent un éclat, et où Sylvinet vit tourmenter sa peine de toute celle qui fut faite à son frère.